Charlie, vous êtes avec nous en multiplex depuis Yaoundé, bonjour. Bonjour mon très cher frère et ami Fabrice Ndom, bonjour à mes aînés, hein, Jules Ndiawe et Patient Parfum Ndom, c'est moi qui vous remercie de cet honneur que vous me faites une fois de plus en m'invitant à cette matinale de débat. Je salue nos techniciens par qui nous pouvons mettre et toute la galaxie Afrique Média. Restons rapidement avec vous, Charlie Kenyé, pour essayer à votre niveau, vous êtes stratège, notamment comment apprécier, analyser aujourd'hui ce déploiement militaire donc de la France aux frontières avec la République centrafricaine, notamment ce poste avancé de Gorée. Qu'est-ce qui se prépare notamment à ce niveau? Est-ce que cela viserait directement la République centrafricaine? Je commencerai déjà par rappeler cette phrase de mon aîné, Patient Parfum Ndom, je crois sur sa fin, qui disait « Nous sommes en guerre ». C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous comprenez toute l'importance du mot « Nous sommes en guerre », vous n'agissez plus comme un État stable ou alors comme un État prospère. Donc vous prenez la mesure des actes et des événements qui se passent sur votre territoire ou alors sur votre continent. Rappelons qu'aujourd'hui, vous avez deux États aujourd'hui qui sont ou qui servent de profondeur stratégique pour l'Occident de nature à déstabiliser nos États. Ça, c'est un fait. Vous avez le Niger. Le Niger donne une certaine projection dans la zone des trois frontières. Et qui parle de la zone des trois frontières, on voit le Mali, le Burkina Faso, dans une moindre mesure, la bande sahélo-sahélienne. Et le Tchad est dans cette projection. Le Tchad donne immédiatement sur le Cameroun et donc sur dans la sous-région Afrique centrale. Rappelons que le Niger également permet une projection dans la sous-région Afrique centrale. C'est pour dire qu'en réalité, lorsque vous prenez ce qui est en train de se faire du côté du Tchad avec cette forte mobilisation de la force française, vous comprenez très bien que nous sommes dans les vieux schémas de la DGSE. Parce que essayer de faire un parallélisme avec l'ancienne SDEC, du temps où on les a vus, hein, certains époux créer ce qu'ils avaient appelé la main rouge, qui sont allés jusqu'à assassiner un journaliste franco-algérien simplement parce que celui-ci était la voix du FNLA, du Front National de Libération Algérien, au niveau de la société civile et des institutionnels français. Pourquoi? Parce qu'il fallait adosser ce crime sur le dos du FNLA et dire et démontrer à la face du monde comment l'État français a raison d'être de ce côté-là, a raison de continuer sa guerre contre ce mouvement militaire qui ne demandait que la libération de son continent. Quand vous ramenez le schéma avec celui de la République centrafricaine, vous comprenez très bien, et c'est là où je valide l'analyse qui a été faite par mon frère Jules Ndiawe, qui fait savoir qu'en réalité, cette milice qui est en gestation de Karim Kassoual, il faut comprendre que cette milice est derrière l'assassinat des Chinois récemment qu'il y a eu du côté de Bangui. Même si quelque part la CPC a participé, mais c'est cette milice en gestation qui était dans ce schéma-là. Pourquoi? Parce que c'est une préparation de la DGSE. Rappelons que la DGSE n'est que l'agent de renseignement qui a poursuivi la SDEC, l'ancien SDEC. Et nous sommes donc dans la répétition de ce schéma-là. Parce que l'intention ici, c'était de quoi? L'intention, comme cela a été fait, d'adosser ce crime sur le dos, justement, des FACA, des forces armées centrafricaines, de faire en sorte que les FACA, suite justement à ça, devaient efficacement répondre. Et c'est ce qu'on a observé, c'est-à-dire qu'il y a une mobilisation des FACA dans ces régions-là pour justement mener un certain nombre d'actions d'opérations militaires contre la CPC. Qu'est-ce que la CPC a fait? La CPC immédiatement s'est réfugiée de ce côté-là, c'est-à-dire qu'à la frontière centrafrico-tchadienne, et immédiatement derrière, on observe la mobilisation de l'armée française. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'encenser un discours comme quoi l'armée, les forces républicaines centrafricaines, justement, seraient en train de commettre un ensemble d'exactions contre la population et bien sûr contre un certain nombre de ressortissants étrangers sur le sol centrafricain, et que face à ça, on veut légitimer une forme d'armement ou alors de surarmement de ce groupe rebelle que la CPC, de nature à renverser ou alors de nature à maintenir ou alors à continuer un certain nombre d'attaques contre les autorités centrafricaines. Et c'est donc dans ce cadre-là qu'on peut classer cette forme de mobilisation. Parce que, dites-vous bien qu'aujourd'hui, les positions qui sont en train d'être prises par la force française sont clairement, je veux dire quoi, elles rejoignent le positionnement ou alors au cantonnement de la CPC. C'est-à-dire que, indirectement, les autorités tchadiennes devraient se poser la question. Comment est-ce que, s'il fallait même qu'il y ait mobilisation, pourquoi est-ce que cette mobilisation obéit forcément à un positionnement stratégique d'un groupe qui est catégorisé aujourd'hui comme étant un groupe rebelle et qui menace l'intégrité et la stabilité du côté de la Centrafrique? Ça, c'est le raisonnement logique que les autorités tchadiennes auraient dû se faire. Une autre chose également, rappelons qu'il faille pas aussi que nous entrions dans les schémas de 2003, parce qu'on se souvient qu'en 2003, toujours dans cet élan-là, on a vu le Tchad accepter sur son sol François Bozizé et ses sbires, justement dans l'optique qu'ils ont bien sûr réarmé, dans l'optique de venir renverser Ange-Félix Fantassé. Aujourd'hui, la CPC jouit d'un droit d'aller et de venir du côté du Tchad, alors que le Tchad sait très clairement que c'est une organisation terroriste qui menace les intérêts, qui menacent la stabilité du côté de la Centrafrique. Mais il n'y a véritablement pas d'officiel qui se prononce sur la question. Alors si à ça, vous ajoutez une mobilisation d'une armée sur le sol d'un État voisin, de nature à renforcer les positions de son groupe terroriste, et jusqu'à là encore, on a pour l'impression de voir qu'au niveau de la communication institutionnelle, de la communication gouvernementale, on veut bien nous expliquer. Parce que par la mobilisation, ça accompagne d'une explication. Nous sommes là dans le langage sécurité. Rappelons qu'on ne le veut pas, qu'en termes même, sur le papier, le Tchad est considéré comme étant un État souverain. Alors comment est-ce qu'un État souverain peut permettre à ce qu'une armée étrangère sur son sol puisse faire pareille mobilisation avec le niveau d'équipement dont on a vu à travers les images, parce que j'ai reçu les images. Quand on voit le niveau d'armement de l'armée française et la mobilisation qui est en train de se faire, on a l'impression que il y a une guerre qui est en train de se préparer. Alors c'est qui l'ennemi? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que l'ennemi c'est le Tchad? Est-ce que l'ennemi c'est la Centrafrique? Est-ce que l'ennemi c'est la CPC? Mais quand on voit très bien comment la CPC présente sur le sol tchadien n'est pas inquiétée, je parlais tout à l'heure de ce moment d'aller venir, et qu'on sait très bien que lors de son arrivée sur le sol tchadien, le Tchad voulant se jouer les neutres, ou alors pardon, voulant jouer la neutralité, a vu plutôt le renforcement de cette organisation terroriste qui a fini par attaquer les populations tchadiennes. Parce que rappelons que la CPC a commis un ensemble d'exactions contre les populations civiles du côté du Tchad, comme pour dire qu'en réalité, si véritablement il devait avoir mobilisation militaire, on devait nous informer qu'il y a une mobilisation militaire qui est en train de se faire contre cette formation terroriste qui menace les intérêts non seulement du Tchad, mais également de la République centrafricaine. Mais non, il n'y a pas eu de communiqué. Au contraire, on a comme l'impression qu'on est en train d'encenser cette mobilisation de nature à véritablement justifier ce qui est en train de se dire depuis sur ce plateau. Comme quoi, véritablement, il s'agirait de renforcer, de suramer et d'entretenir les rebelles de la CPC de nature à maintenir ou alors à continuer l'ensemble d'opérations sur le territoire centrafricain. C'est très triste pourquoi? C'est très triste pour deux raisons. La première, c'est que il faut dire clairement aujourd'hui que la France, les bases militaires françaises opèrent au Tchad comme s'ils étaient dans, je sais pas, je ne veux même pas parler de mon état, mais comme s'ils étaient en France. Parce que ce que vous voyez en image, ça ne peut se faire nulle part. Pareille mobilisation ne peut se faire sans le consentement des autorités du pays. Mais quand on comprend comment les avions français de la force Barkhane peuvent décoller du Tchad sans demander l'autorisation de l'autorité aéronautique tchadienne et commettre des exactions dans les États voisins, on se souvient encore récemment de ce qui s'est passé avec la République centrafricaine, et revenir sans être inquiété, sans qu'il y ait même de communiqué. Aujourd'hui, on voit une mobilisation d'une armée étrangère dans un pays entre guillemets dit souverain, au large de la frontière d'un autre pays qui se dit être menacé par son État voisin. Et même jusqu'à là, il n'y a pas de communiqué. Mais pourtant, on veut bien nous faire comprendre que à la tête de ce pays-là, il y a quand même un chef d'État qui, ma foi, se dit être, je veux dire quoi, être solidaire de ses voisins. Mais à travers les actes, on ne voit véritablement pas ce qui est posé. Parce que ce n'est pas possible, il faut qu'on nous explique ce qui est en train de se faire là. Le président Idriss Déby Itno, que je respecte beaucoup, lorsqu'il prend le pouvoir, il faut qu'on le dise très clairement. Sur la table de la présidence, il y avait un accord qui se préparait entre la Fédération de Russie et la République du Tchad. Mais où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Bien. Également, il faut rappeler que le maréchal n'était pas dans l'optique de renouveler le contraire de la présence de la force française sur le sol tchadien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Donc, je pense que très clairement, je voudrais, à la suite de mon aîné, le grand frère Passa, interpeller les autorités tchadiennes, en premier lieu le chef d'État tchadien, de dire ce qui est en train de se passer sur son pays, non seulement ne sert pas les intérêts de la sous-région, mais plus encore les intérêts du Tchad. Parce que, en réalité, derrière tout ce qu'on est en train de voir, derrière toute cette manipulation, la Centrafrique aujourd'hui, au-delà de tout ce qui est vrai, à savoir le pôle que représente la Centrafrique en termes de développement, en termes d'émancipation, les autorités tchadiennes devraient comprendre que l'impact de tout ceci, la réalité stratégique de tout ceci, c'est de mettre à feu la sous-région. Et le Tchad ne sera pas épargné. Les populations tchadiennes ne seront pas épargnées dans ce jeu macabre. Alors pourquoi continuer à laisser faire? Même si quelque part, parce qu'il y a la réalité entre les États, il y a des choses que nous ne maîtrisons pas, ça c'est une évidence. Mais c'est, lorsqu'on est un chef d'État, c'est justement ça, c'est de dépasser ses zones de confort. C'est de poser des actes de nature à véritablement confirmer et affirmer qu'on est là, non pas pour se plaire, ou alors pour se complaire dans ce qui a été fait ou dans ce qui se fait, mais pour dépasser ce qui est en train d'être fait. Donc aujourd'hui, une fois de plus, j'interpelle les autorités tchadiennes parce que, je le dis très clairement, l'intention derrière tout ce jeu, c'est non seulement, comme l'a si bien dit mes aînés tout à l'heure, de renforcer les positions de la CPC au niveau de la frontière, de nature à mieux les armer, à leur donner les moyens logistiques, les moyens militaires, et bien sûr peut-être même les moyens financiers et matériels de continuer à mener les actions en territoire centrafricain de nature à mettre à mal ou alors à renverser le gouvernement Touadéra. Mais derrière également, il y a une volonté de permettre à ce que toute la sous-région soit embrasée. S'il est vrai que d'un autre côté, on peut apprécier le travail magnifique qui est fait par les autorités camerounaises pour justement empêcher qu'au niveau de sa frontière avec la République centrafricaine, il puisse avoir cette fluidité d'armes qui aurait permis justement aux rebelles comme les trois R de pouvoir se renforcer. Je crois que c'est le même travail qui devait être attendu du côté du Tchad. Et cela est possible. Donc comment se fait-il qu'aujourd'hui, malgré le magnifique travail qui est vu entre le Tchad, le Cameroun et le Nigeria dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, que le Tchad ne puisse pas justement maintenir cet effort au niveau de sa frontière avec la République centrafricaine? Parce que le déploiement, la forte mobilisation militaire française qui est en cours, je puis vous rassurer, c'est une déclaration d'acte de guerre. Une armée étrangère ne saurait mobiliser pareil armement sur un territoire sans véritablement donner les explications de la mobilisation. La mobilisation, c'est pour faire quoi? C'est dans quel objectif? Qu'est-ce qui justifie la mobilisation? Mais tant que la France n'a pas répondu à cette question-là auprès des autorités tchadiennes, qui lors d'un communiqué ou d'un point de presse devraient l'expliquer pour que le voisin centrafricain se sente rassuré d'une pareille mobilisation, vous comprenez très bien que nous sommes dans un schéma de nature à non seulement permettre à ce que la CPC se renforce, mais également dans un schéma de nature à mettre à mal la sous-région. Parce que le vous ne voulez pas, tout acte de nature à mettre à mal la République centrafricaine, de façon directe ou indirecte, va affecter les autres voisins de la sous-région et donc le Cameroun. C'est pour dire qu'en réalité, les autorités tchadiennes aujourd'hui doivent prendre la mesure de ce qui est en train de se faire sur le sol. Ils ont été placés pour ça. Ils ont choisi de prendre la présence et la transition pour ça. C'est à eux justement de répondre efficacement à cette menace qu'il faut le dire est aujourd'hui le point culminant. Je dis bien le point culminant parce que c'est une déclaration de guerre clairement qui a été faite à l'encontre non seulement des autorités centrafricaines, mais de l'ensemble de la communauté des États de l'Afrique centrale. Merci infiniment à vous, Charlie Kenyon. Afrique Média, le monde, c'est nous.